En 1913, un an avant de mourir à la guerre, Henri Alban Fournier, dit Alain Fournier, fait paraître Le Grand Monde. Je vais vous en lire un découpage réalisé par l'association Peuple et Culture. Quelques résumés émaillent ce découpage. Mis dans la bouche du narrateur, ils sont au présent de l'indicatif pour bien les distinguer du roman lui-même.